l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM aujourd'hui, je suis avec Laetitia. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Alors, je suis Laetitia Mathieu, j'ai 26 ans et je suis la maman de deux petites filles de 3 ans et 1 an. Et je viens aujourd'hui pour vous parler de l'association Super Maman France. Justement, c'est quoi l'association Super Maman? Alors en fait, c'est un réseau de soutien pour les jeunes mamans, dont le but est d'accompagner et de lutter contre l'isolement des jeunes mamans. Puisque on le sait, la maternité, que ce soit la grossesse ou les suites, est un moment qui est source de grands bouleversements pour les femmes et qui est propice à l'isolement du fait de toute la charge mentale et de toutes les contraintes qui vont arriver. Et donc l'esprit de l'association, c'est vraiment de lutter contre cet isolement en permettant de créer du lien entre les mamans du département et en même temps en proposant un repas pour participer à cette charge mentale et essayer de la descendre un petit peu. Depuis quand elle existe, l'association? Alors en fait, c'est une association suisse qui a été créée en 2015 et le concept a été amené en France en 2020. Et donc les débuts ont été un peu difficiles puisque c'est arrivé au moment du Covid. Et donc l'idée de créer du lien au moment du Covid, ça n'a pas été idéal. Depuis quand est-ce que vous en faites partie, vous? Alors j'en fais partie depuis que... Pour comprendre, il faut savoir que l'association est gérée nationalement, mais qu'il y a une maman responsable dans chaque département. Et donc moi, j'en fais partie depuis qu'il y a eu une maman responsable dans les Vosges, donc depuis 2020. Comment est-ce que vous avez découvert l'association? Alors j'en ai entendu parler par ma sage-femme, qui justement a fait la promotion de l'association et qui le faisait pour que justement une maman prenne la gestion du département, puisque tant qu'il n'y a pas une maman qui gère le département, il ne peut pas y avoir le réseau dans le département. Quel est votre rôle au sein de l'association? Alors moi, je suis maman contact Vosges. Ça veut dire que c'est moi qui vais coordonner les bénévoles et les personnes qui souhaitent, les jeunes mamans qui souhaitent être bichonnées. Donc je vais déjà les accueillir, tout simplement, leur expliquer le fonctionnement. Je vais aussi m'occuper de la promotion de l'association. Et ensuite, c'est moi qui vais lancer des sondages pour avoir les disponibilités à la fois des bénévoles et des mamans. Et puis qui vais essayer de coordonner les deux pour avoir la meilleure prestation possible. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées types? Qu'est-ce que vous faites? Alors en général, je réfléchis au repas que je vais proposer à la maman. Je vais essayer de faire quelque chose de réconfortant, mais en même temps d'équilibré, parce que je sais que quand on est dans le tourbillon de la maternité, on n'a pas forcément le temps de faire quelque chose de très élaboré. Alors j'essaie de faire quelque chose qui fait plaisir, mais qui en même temps reste quelque chose de sain. Ça va être des plats de... Alors souvent, les bénévoles proposent des lasagnes aux légumes, des choses, on va dire, où il y a un féculent principal et puis beaucoup de légumes. Moi, j'ai tendance à faire des lasagnes épinards ricotta. Et puis en dessert, on n'est pas obligé de proposer un dessert avec, mais souvent on fait un dessert. Et moi, ça va être des choses de type panna cotta fruits rouges. Et donc j'en profite pour, comme souvent je bichonne le mercredi parce que j'ai mes enfants et que je suis disponible, j'en profite pour faire le plat avec mes enfants. Comme ça me fait passer un bon moment. Et en même temps, ça sert à quelqu'un puisqu'on l'amène après ensemble à cette maman. Donc on prépare le repas, ensuite on s'arrange avec la maman pour savoir à quel moment de la journée ça l'arrange le plus de nous recevoir, et puis ensuite on y va. Alors si la maman, on arrive à un moment où on peut pas deviner si le bébé va être bien disposé, si la maman est fatiguée, tout va dépendre, vraiment chaque bichonnage est différent, mais on arrive assez vite à voir si on va rester longtemps ou pas, selon ce dont la maman a besoin en fait. Si la maman a besoin d'un coup de main justement à ce moment-là parce qu'il y a personne d'autre, on va pouvoir prendre le relais avec elle, l'aider, ou simplement tout va bien et juste discuter et passer un bon moment. Ou alors elle sera vraiment très fatiguée et on va juste lui donner le repas et on s'en va, quoi. Combien est-ce qu'il y a de bénévoles et d'adhérents dans l'association? Alors moi, j'ai les chiffres pour les Vosges puisque c'est moi qui m'occupe des Vosges. On a 50 bénévoles inscrits, mais on va dire une vingtaine qui est actif en tout temps. Et puis on a, depuis que l'association existe dans les Vosges, on a bichonné 32 mamans. Et là, on en a 8 qui sont en cours ou qui vont arriver parce que les mamans vont accoucher. Et qu'est-ce qu'ils font, les bénévoles de l'association? Alors en fait, ils ont pas tellement d'obligations. Ils peuvent aussi adhérer pour soutenir. Mais en fait, je leur propose, moi je leur envoie par mail à chaque fois qu'il y a une maman qui s'est inscrite, en expliquant où se situe cette maman, si c'est un bichonnage pour traditionnel, on va dire une maman qui vient d'accoucher, si c'est plutôt un bichonnage pour une maman qui est en dépression, ou alors une maman qui est alitée parce que sa grossesse est compliquée. Je donne un peu les circonstances. Et puis je vais donner aussi un sondage avec les disponibilités de la maman sur environ 6 semaines. Et donc les bénévoles vont pouvoir remplir ce sondage pour me donner leur disponibilité à eux. Et je vais essayer de ne pas toujours solliciter les mêmes bénévoles selon les réponses que j'ai. Et ensuite, une fois que j'ai récolté tous les résultats, et ben je préviens les bénévoles de la date qui a été sélectionnée pour eux et ils y vont une seule fois chacun par maman à bichonner. Et c'est à peu près la seule tâche qu'ils ont, c'est répondre au sondage pour me dire s'ils sont disponibles ou pas et ensuite de préparer un repas et de l'amener à cette maman. Alors, comme toute association, vous avez besoin de bénévoles. Est-ce que vous voudriez lancer un appel ? Eh bien oui, on a... Alors, c'est ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on a autant besoin de bénévoles, donc de mamans cadeaux, que de mamans à bichonner, parce qu'on a peu de demandes. Donc, on a aussi quand même pas mal de bénévoles, mais peu de mamans à bichonner, donc ce qui est dommage. Donc, j'aurais vraiment besoin de bénévoles et en même temps de mamans à bichonner, et surtout dans des secteurs où on a peu de bénévoles. Parce que là, principalement, nos mamans cadeaux, elles sont situées sur Remiremont et Pinal. Et je sais que du côté de Saint-Dié, Neuchâteau, là-bas, on a pas de bénévoles. Et je me sentirais vraiment triste si une maman venait à me contacter parce qu'elle en a besoin et que j'ai personne à lui envoyer parce que c'est trop loin pour nos bénévoles. D'accord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. D'accord, le message est passé. Nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi, à savoir Sum 41 et leur chanson In Too Deep. Et on se retrouvera juste après sur Radio Gamozo. Complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. sommes de retour sur les ondes de RGM avec Laetitia. Laetitia, c'est quoi pour vous une super maman ? Alors une super maman, c'est n'importe quelle maman en fait. Parce qu'une maman qui se fait confiance devient forcément une super maman. Et c'est ce qui est difficile à faire aujourd'hui, c'est se faire confiance. Parce qu'entre les différentes injonctions des réseaux sociaux, des téléréalités en tout genre, il y a des mamans qui perdent confiance et qui ont du mal justement à trouver ce sentiment de « en fait, c'est moi la mieux placée pour savoir ce qui est le mieux pour mon enfant ». Et pour moi, une super maman, voilà, c'est juste une maman qui a sa place et qui se sent bien dans son rôle. Et qui fait de son mieux surtout. Et qui fait de son mieux, exactement. Dans les films, les livres, etc., on idéalise la grossesse à la naissance de l'enfant, que tout est parfait, mais c'est faux. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose, vous, là-dessus ? Eh bien oui, tout à fait. C'est sûr que si on s'imagine la grossesse, la maternité, ou même le fait d'être parent comme un long fleuve tranquille, quand on se retrouve dans une situation qui n'est pas le cas, c'est beaucoup plus difficile à vivre. Alors que si on s'imagine ça comme une aventure dont on ne connaît pas l'issue, bah c'est beaucoup plus facile à vivre. Mais ça concerne aussi bien la grossesse, l'accouchement, la suite. C'est vraiment de se dire que tout peut arriver et qu'il faut prendre les choses comme elles viennent et en faire le mieux, on va dire, en tirer le mieux possible de la situation. Parce que la grossesse, il y a des mamans qui vont vomir toute leur grossesse alors que c'est pas du tout ce qu'elles avaient imaginé. Alors que rien que le fait d'en avoir entendu parler et de savoir que c'est possible, on le vit mieux. C'est comme à l'accouchement, si on n'a jamais entendu parler des interventions, on va dire, de type ventouse, des choses comme ça. Si on n'en a jamais entendu parler et qu'on le subit sans savoir ce qui nous arrive, on le vit bien plus mal que si on a été préparé. Rien que si on connaît l'existence de cette procédure. Bah comme vous, pour moi, toutes les mamans sont des super mamans parce qu'elles sont sur tous les fronts, elles doivent tout anticiper, penser à tout, tout le temps. Est-ce que le fait de devenir mère apporte beaucoup de charge mentale ? Alors oui, je dirais même, c'est pas seulement d'être mère, c'est le fait d'être parent qui ajoute cette charge mentale supplémentaire d'avoir un être humain à s'occuper. Et donc c'est pas anodin. Hein. On pourrait comparer ça au fait d'avoir un animal de compagnie, mais là c'est un animal de compagnie qu'on a pour très très longtemps. Donc il faut assurer cette charge mentale sur la durée et c'est ce qui est épuisant, c'est qu'elle ne s'arrête jamais et c'est une charge mentale à vie. On se soucie toujours de ses enfants. Donc c'est vraiment quelque chose de pesant et ça s'ajoute à une charge mentale qui existe pour tout le monde, qui est celle du quotidien. Et donc parfois c'est difficile de trouver un juste milieu entre tout ça justement et d'avoir encore de la place dans sa tête pour penser à soi, pour penser à d'autres choses, à ce qui nous fait plaisir à nous. C'est quoi la dépression postpartum ? Alors il y a deux choses différentes à différencier. On a d'abord le baby blues qui touche une majorité des femmes, on va dire entre 50 et 80% des femmes. C'est cette période justement, on va dire, d'adaptation qui est difficile, qui est après la naissance, qui est aussi dans un court moment. C'est où on a une perte de repères, où on ne sait pas trop comment faire, on est perdu, la tristesse, la descente d'hormones, c'est beaucoup de choses. Par contre, si cette étape perdure, c'est là qu'on entre dans la dépression postpartum et où il faut vraiment en parler parce que sans en parler, c'est un cercle vicieux qui va comme un engrenage, quoi, qui ne va pas s'arrêter. Et là, c'est vraiment... Alors, ça survient plus rarement, heureusement, hein, 10 à 20% des femmes, mais ça arrive quand même. Et ça, je pense, le plus important, c'est d'en parler, parce que le fait de savoir que ça existe, toujours pareil, eh ben, on sait le reconnaître, ou même, un mari qui en a entendu parler va se dire « Ah, ben, c'est peut-être ce que ma femme traverse, et va pouvoir mieux l'épauler. » Et je pense que, voilà, le meilleur remède contre la dépression postpartum, c'est d'en parler et d'être informé. Et le plus on en saura, le plus facile ça deviendra pour les femmes. Est-ce que le baby blues, c'est pas le fait de savoir que votre bébé n'est plus qu'à vous tout seul, que tout le monde peut le toucher, c'est pas ça qui peut provoquer le baby blues ? Ça joue aussi, c'est effectivement devoir partager ce qui jusque-là n'était qu'à nous, et aussi de le laisser dans l'inconnu du monde entier, c'est de réaliser qu'en fait tout peut lui arriver, et c'est cette peur grandissante de tous les risques et de tout ce qui pourrait se passer. Rien que de l'imaginer, ça prend une place énorme dans sa tête et ça laisse peu de place pour le reste. Est-ce que ce sont toutes des jeunes mamans, les mamans cadeaux ? Alors non, justement, maman cadeau, c'est un terme un peu traître, parce qu'on a aussi des mamans cadeaux qui ne sont pas mamans, qui sont simplement intéressées par la parentalité en général, qui peuvent être qualifiées ou non, mais qui s'intéressent à minima à ce sujet-là. Et ça peut aussi être des papas cadeaux. Alors on en avait un, mais qui a dû partir parce qu'il avait d'autres besoins, d'autres envies ailleurs. Mais on avait un papa cadeau. Alors quand on a des papas cadeaux, on demande toujours aux mamans si ça les dérange ou pas. Ça peut être n'importe qui, en fait. Ça peut être une maman, une mamie qui n'a pas ses petits-enfants dans le coin et qui aimerait donner de son temps, comme si elle avait ses petits-enfants. Ça peut être quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui est à la retraite, quelqu'un qui travaille. Ça peut vraiment être n'importe qui s'intéresse et qui se sent concerné par cette cause. Et les mamans bichonnées, qu'est-ce que c'est ? Alors les mamans bichonnées, c'est toutes les mamans qui aimeraient bénéficier justement d'un bichonnage, c'est-à-dire de la venue de nos bénévoles. Alors c'est en général une jeune maman qui a un bébé de moins de 3 mois. Alors en général, elle nous contacte avant la naissance ou après, ça dépend quand elle apprend l'existence de l'association. Et donc c'est une maman qui a pour seule obligation, on va dire, d'ouvrir la porte et de remercier la bénévole qui vient la voir. Et voilà, elle n'a pas d'autres obligations. Mais en général, c'est plus pour le temps d'échange que les mamans habichonnées sont intéressées que pour le repas. Qu'est-ce que l'association leur apporte ? Alors en fait, ça leur apporte déjà le sentiment d'exister et d'exister aussi plus qu'une maman. Parce que une fois que le bébé est né, forcément, on a cette impression qu'il n'y a plus que le bébé qui existe. Alors que là, on vient vraiment pour la maman et pas pour le bébé. Et c'est ce qui fait du bien, en fait. Tout simplement. Et le fait d'avoir un repas qui est prêt, on a juste à le réchauffer, ça fait du bien aussi au moral. C'est pas nous qui avons cuisiné, c'est toujours meilleur quand c'est pas nous qui ne cuisinons pas. Et puis c'est aussi ce temps d'échange, en fait, rien que de pouvoir discuter de, ça peut être de la pluie et du beau temps ou vraiment de sujets qui concernent l'enfant, la maternité, mais c'est de pouvoir parler sans être jugé dans la bienveillance puisqu'il n'y a pas d'avis médical. C'est rien que de pouvoir parler et aussi d'avoir quelque chose à faire dans sa journée. Parce que parfois, on a l'impression d'être noyé dans une tonne de choses à faire. Et là, de se dire, bon, à 14h, il y a quelqu'un qui vient à la maison. Alors, on vient pas inspecter les maisons ni juger parce que le ménage n'a pas été fait. On s'en fiche. Ça aussi, ça fait peur à certaines mamans, mais vraiment, on n'est pas là pour ça, quoi. On est là pour partager, pour échanger de nos expériences et vraiment sans jugement, puisque on vient juste avec notre petit bagage personnel, quoi. Donc, il y a pas de peur à avoir. C'est vraiment toute bienveillance. Est-ce que vous êtes vous-même une maman cadeau ? Alors oui, j'ai commencé maman cadeau, ensuite j'ai pris ce statut de maman contact, mais je suis restée maman cadeau, je bichonne à chaque bichonnage quasiment. Parce que c'est ce qui me plaît dans l'association, c'est pas tant l'organisationnel, c'est vraiment le fait d'aller voir ses mamans et de leur apporter quelque chose, d'avoir ce sentiment d'être utile. Et est-ce que vous avez été une maman à bichonner, vous ? Oui, j'ai fait les deux. J'ai d'abord été bénévole et ensuite je me suis fait bichonner pour ma deuxième fille. Je me rendais compte que ça pouvait apporter quelque chose en le faisant, mais c'est en le recevant que je me suis vraiment rendu compte que ça apporte plus que ce que j'avais imaginé. Le fait de rencontrer des personnes qui finalement n'habitent pas si loin de chez nous, mais qu'on n'aurait pas rencontré autrement, eh ben, ça permet souvent de créer des amitiés, finalement, parce que, pas avec toutes les mamans qu'on va recevoir, évidemment, mais il y en a toujours une ou deux avec qui le courant passe très bien, avec qui on a des intérêts communs, et donc qu'on peut revoir par la suite, et ça crée des histoires plutôt sympathiques, et dans nos bichonnages, on a souvent eu le cas. Est-ce que le fait de sortir une jeune maman souffrant de dépression postpartum peut l'aider à aller mieux ? Oui, oui, oui. Le fait de sortir, de voir du monde, de parler, c'est ce qui va permettre de s'en sortir. Bien sûr, avec un suivi médical également, hein, parce que ça ne remplace pas le médical, mais ça va aider quand même. En fait, il faut voir ça vraiment comme une dépression ordinaire, j'allais dire. Mais c'est un travail de longue haleine et le fait de pouvoir parler avec aussi quelqu'un qui a vécu la même chose. Parfois, ça peut aider de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Alors, ça résoudra pas le problème, mais rien que se dire, bon, je suis pas la seule à être passée par là. Parfois, ça permet de lâcher un peu la pression et de se dire, bon, c'est pas moi le problème. Ça existe et c'est comme ça. Je suis tombée dans le pourcentage qui fait qu'on l'a, quoi. Et peut-être le fait d'en parler aussi, ça aide la personne à relativiser un peu. Ça peut peut-être même l'aider même à s'en sortir, finalement. Oui, tout à fait. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Weezer et Simple Plan et on se retrouvera juste après sur le 107. When I was a kid, I thought I'd save the world. Running round and chasing all the criminals. Swinging on a web, flying in the sky. Shooting lasers from my eyes. But now I know it never was my destiny. It's not my place in life, not who I'm meant to be. And I don't need the glory, I don't need the fame. And I don't wanna wear this cape. podcast. Well, everybody needs a hero, but I'm not everybody else. I walk alone. Yeah, I walk alone. Yeah, I walk alone. Yeah. You know I tried to be your hero, but I was lying to myself. I walk alone. Yeah, I walk alone. Yeah, I walk alone. Yeah. They build you up and then they gonna tear you down. You wear a crown. It's not that I don't love to solve a mystery, but life is hard enough with one identity. If silence is the voice of a new generation, then I could live up to all of your expectations. I'd hammer down hard like a Mayan fist, then disappear like I don't exist. Yeah. sommes de retour sur les ondes de RGM avec Laetitia. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet, Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. C'est quoi l'actualité de l'association Les Super Mamans dans les Vosges, Laetitia ? Alors en ce moment, on essaye d'organiser des rencontres entre les bénévoles parce qu'on crée du lien entre les mamans, mais pas entre nos bénévoles, puisqu'elles ne se rencontrent jamais. Donc là, ce qu'on essaye de mettre en place, ce serait en fait une rencontre mensuelle pour permettre voilà, d'échanger sur notre pratique dans l'association en fait en tant que bénévole, voir des petites astuces ou même des idées repas, voilà, puis permettre de, tout simplement de discuter parce que c'est le principe de l'association. Donc. Comment est-ce qu'on peut la rejoindre, l'association ? Alors pour rejoindre l'association, il faut aller en fait sur le site Super Maman France. Ensuite, il y a un onglet soit devenir maman cadeau, soit devenir maman habichonnée. Et ensuite, c'est rangé par département. Donc voilà, on cherche son département. Et ça nous renvoie vers un petit formulaire à remplir qui est très rapide. Et moi, je reçois donc les demandes des deux côtés. Et donc en général, je prends contact tout de suite avec la personne pour en savoir un peu plus sur elle, ce qu'elle attend de l'association. Et si certaines personnes ont des questions et qu'elles n'osent pas se lancer tout de suite, qu'elles n'hésitent pas à m'écrire justement à l'adresse mail de l'association pour poser leurs questions avant, pour être sûre que ça réponde à leurs attentes. Quels sont vos futurs projets avec l'association dans les Vosges ? Alors pour l'instant, on n'a pas de projet établi, mais dans l'idée, ce serait aussi de participer aux manifestations qui concernent la parentalité dans les Vosges, notamment le salon de la parentalité, des choses comme ça, pour essayer de faire connaître et de diffuser le message. Et on a aussi l'association nationale qui est en train de faire les démarches pour reconnaître l'association d'utilité publique. Donc ça nous permettrait aussi voilà, de prétendre à d'autres projets dans le futur. Est-ce que l'on peut vous contacter si on veut rejoindre l'association ? Alors on peut me contacter à l'adresse mail supermamandesvosges avec un s à maman @gmail.com. Ou alors on peut aussi poser ses questions sur la page Instagram de Supermaman France. Quand il y a des questions qui concernent un département particulier, elle les redirige vers nous. Donc dans tous les cas, vous arriverez à me joindre. Quel genre de questions qu'ils ont déjà été posées par exemple à l'association ? Eh ben, par exemple, il y a une maman qui souhaitait savoir s'il y avait besoin d'avoir des connaissances particulières. Elle avait l'impression de ne pas pouvoir apporter quelque chose de particulier. Et donc, elle avait peur de ne rien apporter du tout à la maman qu'elle allait aller voir. Et donc, je lui ai bien fait comprendre que voilà, on a chacun notre parcours. Et en fait, c'est ce qui fait la force de l'association, c'est le fait de discuter avec différentes personnes qui ont différents parcours, qui nous permet de relativiser, voilà, de prendre des astuces à droite à gauche et de faire à notre sauce avec ce qu'on nous apporte. Et justement, c'est ce côté de, on n'est pas professionnel, donc c'est des astuces, on va dire, de terrain, des choses qu'on a testées, qui ont marché pour nous, qui marcheront peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais voilà, on sait que ça existe, qu'on peut le tester si on a besoin. On parle beaucoup d'instinct et de fibre maternelle, mais c'est pas quelque chose d'inné, tout le monde ne l'a pas, ça. Non, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui s'acquiert. Hein. Il n'y a pas forcément ce coup de foudre à la naissance de voilà, tout est instinctif et je sais comment faire. On se remet toujours en question. C'est vraiment le rôle de parent, c'est, je pense, un des rôles où on se remet le plus en question tout le temps. Parce qu'on sait qu'il y a la vie d'un être humain en jeu, donc on veut bien faire. Et c'est normal, heureusement, qu'on cherche à bien faire. Mais effectivement, c'est pas simple au quotidien et c'est pas forcément inné. Ça va être avec notre expérience, avec ce qu'on a lu, avec tout ce qu'on peut justement rencontrer dans notre rôle de parent. Et donc non, oui, il faut arrêter avec ce mythe de tout est instinctif, facile et incroyable autour du rôle de parent. Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est pas comme monter un meuble. Non, voilà, il n'y a pas de mode d'emploi. Et puis il n'y a pas de honte aussi à reconnaître que en ce moment c'est difficile, j'y arrive pas, mais c'est pas grave, quoi. J'y arriverai, je vais trouver des solutions et puis ça ira mieux après, c'est pas un drame en soi. Parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de cette difficulté que peut être le rôle de parent, qui, je pense, est surtout lié au fait que les réseaux sociaux ne montrent que le bon. Dans la parentalité, on voit toujours voilà, la photo de l'enfant parfait, bien coiffé, qui est sage, en train de faire un puzzle, alors que 2 minutes avant, voilà, il est en train d'arracher les cheveux de sa sœur, qui ne voulait pas manger, qu'il a lancé un verre de lait en l'air. Enfin, voilà, il y a tout ce côté caché où on a l'impression qu'en fait, c'est facile pour tout le monde, alors que non, c'est difficile pour tout le monde. C'est juste forcément, on montre toujours le meilleur de ce qu'on vit et pas le pire. Et donc, quand on se retrouve dans le pire, parfois, on se retrouve avec un manque de représentation ou... Ça concerne aussi le corps des femmes après la naissance. Enfin, ça concerne vraiment tout un tas de sujets autour de la parentalité et d'autres sujets, évidemment. Mais Je trouve que le rôle de parent en fait malheureusement les frais. Bah, chacun fait comme il peut finalement. C'est ça. Comme il veut et comme il peut. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors oui, il y a une page Facebook et une page Instagram Super Maman France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et à vous, à l'association, Laetitia ? Eh ben, on pourrait nous souhaiter beaucoup de bénévoles, beaucoup de mamans à bichonner avec beaucoup de bébés dans les Vosges. Hein, ça ferait revivre le département, ça serait finalement pas mal. Et puis surtout, on pourrait souhaiter des parents épanouis. C'est ce qui fait des enfants heureux, donc il nous faut des parents épanouis. Cette émission est maintenant terminée. Laetitia, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, portez-vous bien. C'était Laura. Bye tout le monde.